degeneración que lleva a la muerte. Los síntomas se manifiestan de 1 a 4 horas después de la ingestión. Aparecen en un primer tiempo dolores estomacales, molestias gástricas, sudores, vómitos. Siguen molestias nerviosas que alcanzan al delirio, la ebriedad, acceso de ira, alucinaciones. Después de un estado de estupor y de sueño profundo que conduce la mayoría de los casos a la muerte, Satanás. désespère. Il m'enlève la mémoire. Il engourdit ma pensée et mon cœur. Il fait de moi un absent qui se connaît absent et se voit pendant des semaines à la poursuite de son être, comme un mort à côté d'un vivant qui n'est plus lui, qui exige sa venue et chez qui il ne peut plus entrer. À la dernière série, je suis resté pendant tout le mois d'août et de septembre dans l'impossibilité absolue de travailler, de penser et de me sentir être.